en direct du chalet. Avec Knuckles. Bibidi Bobidi, bonsoir à tous, je suis Knuckles et bienvenue en... Je peux commencer? Est-ce que je peux commencer sans un fou rire? En même temps, t'as vu le truc que tu sors aussi? Bon. Mais pourquoi à chaque fois qu'on débute dans l'épisode, il faut qu'il nous fasse n'importe quoi? On n'a même pas commencé encore, quoi. On n'a même pas encore fini la présentation. Je peux finir mon intro? Oui, vas-y. Oui. Alors, Bibidi Bobidi, bonsoir, bienvenue en direct du chalet, je suis Knuckles, et il est temps de faire l'appel. Pierre. Qui ça? Pierre. Oui. Pierre, il n'y a pas de Pierre ici. Pierre. C'est pas la blague. Pardon, non, je voulais faire une petite référence dès le début. Bref, on l'a attrapé, c'est bien. Faisons vraiment l'appel pour le coup. Ouais. Alors, Maurice Ogweil Hedgehog. J'ai dit c'est Sonic. Mon nom c'est Sonic. T'avais dit que je le ferais un de ces quatre. Bref, Sonic le hérisson. Oui, je suis là. Salut les gens. Amy Rose. Oui, c'est moi. Miles Tails Prower. Là. Rouge the Bat. Oui. Vector the Alligator. J'arrive. Je suis là. Ouh là là. Excusez-moi. Ça va, Vector? Ils sont où les autres? On est là. Le voici. Nous sommes arrivés, attends. Orbot et Cubot? Oh non, me dites... Attendez une seconde. Me dites pas que Cubot a encore spoté la télé. Disons que sans faire exprès, j'ai abîmé son matos dans son laboratoire après une intervention générale des Chaotix. Résultat, Charmy et Espion sont restés nettoyés là-bas et moi je dois garder ces robots en attendant. Désolé. Ah, d'accord. Et ben ça va. Vous avez foutu le bazar en plus. Désolé, mais vous savez, on n'a pas de pieds, on a juste des mains, nous. Alors, par contre, sur la fiche d'appel, je n'ai ni Eggman ni Shadow. Ils sont absents aujourd'hui? Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression, oui. Je sais pas. Ah, bah c'est joli cette chaise, tiens, elle roule bien. Non, c'est pas genre de chaise avec dans la chaîne. Faites pas de bêtises dans le chalet. Pour une chaise roulante. Commencez pas à faire des bêtises, s'il vous plaît. Ah là là. Au programme du jour, l'intro. Mince, on vient de la faire, ça c'est fait. Oui. Le printemps est là, plus que prévu. Oui. Le printemps est là. Le printemps est là. Mais le soleil aussi. Oh, mais c'est pas possible. Arrêtez. Ils peuvent pas se tenir, c'est incroyable. Soleil. Non, mais c'est parce qu'on a regardé Friends avec Sonic récemment, on est à fond dedans. Oui. Et bientôt, c'est l'équinoxe du printemps, ça va être trop beau avec les petites fleurs. Ah oui, c'est vrai, c'est bientôt. C'est vrai que c'est joli à regarder. Le 21 mars. On s'est pas réunis uniquement pour parler du temps qui passe, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, oui, on a plein de news ce côté pour la team, d'ailleurs. On m'a dit que Sonic, tu avais une annonce assez importante à nous faire. Alors, effectivement, on a plusieurs annonces. On a quelques bonnes nouvelles et quelques mauvaises nouvelles. Par quoi je commence? La mauvaise. Je pense que la plus importante, pour commencer... Le problème, c'est qu'elles ont plus ou moins toutes une certaine importance, donc je sais pas trop... Bah, celle qui... Ah, c'est les mauvaises nouvelles en premier. Bah, les mauvaises nouvelles, ok. Bah, alors... Celle qui peut attrister le plus la communauté, c'est-à-dire la pause. Oui, ouais, alors, oui, voilà, donc... du coup, en fait, ça fait trois mauvaises nouvelles, du coup. Bon, je vais m'en occuper, du coup. Donc, la première mauvaise... On sera pas joyeux aujourd'hui, hein. Oui. Alors du coup, donc la première mauvaise nouvelle, plus ou moins, c'est que la team va se mettre en petites vacances du 17 mars au 1er avril. Voilà. Donc là, dans ce moment-là, il y aura plus d'interactions, il y aura plus de comics qui sortiront pendant cette petite période, mais on sera vite fait de retour. Mmh. Donc vous en faites pas. On reviendra plus frais que jamais. Voilà. Et des vacances nous feront du bien. Oui. Le spa. Oui, un petit spa. Oui, on va faire un petit voyage en fait. En espérant que je vous avoue que Rouge m'a demandé d'aller d'ici là. En thalasso avec le elle. Et j'ai un peu été forcé d'accepter. On va se reposer sur les îles des Caraïbes. Ah, le stylé. Ça va finir comme dans Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear. Pièce de métal. On va faire du traîneau. Quoi? Donc, deuxième mauvaise nouvelle, malheureusement, on a vous l'avez sans doute vu si vous suivez les news, mais on a subi un shadow ban inexpliqué de TikTok. D'ailleurs, sur TikTok, je sais pas pourquoi, mais on a eu une baisse drastique de l'audience, comme si on nous avait bloqué, mais pourtant, on continue à pouvoir uploader et tout, comme si de rien n'était, en fait, ce qui correspond en fait à un shadow ban. Et... En fait, pour expliquer, le shadow ban, ça consiste à, en gros, il y a YouTube qui dit que la vidéo n'est pas bloquée, elle est toujours visible, mais on ne montre pas la vidéo. Voilà, c'est à peu près ça, voilà. C'est délicieux. Voilà, oui. Et pourtant, on fait bien attention carrément, on modifie des détails visuels des comics, genre qu'est-ce qu'on a fait déjà. Oui, exactement, oui, le truc en plus... Le comics avec Shadow et Crime, avec les flingues, on dissimulés, je crois. Oui, tout à fait, oui. Featuring avec Mario, on l'a modifié aussi. Oui, tout à fait, oui, en fait... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Shadow n'est pas là. Mais c'est vrai, ça, justement, en plus, d'ailleurs, TikTok, c'est le seul endroit où on est obligé de faire de la censure pour certains trucs, hein, parce que tous les autres, ça passe sans problème. Mmh. Et du coup, d'ailleurs, en partie aussi à cause de ça, et du coup aussi du fait que du coup, la confiance est brisée avec TikTok, on va décider de quitter TikTok dès notre retour de la petite pause, en fait. C'est-à-dire, dès le 1er avril, on ne uploadera plus rien sur TikTok. Le compte sera toujours là, mais on n'y fera plus rien. Suivez-nous sur YouTube absolument et aussi nos réseaux sociaux. Voilà. Surtout est-ce que sur. Est-ce qu'on peut aussi. Est-ce qu'on peut enchaîner sur une des bonnes nouvelles? On a un site en construction. Oui, tout à fait, oui. J'allais vous poser la question. Oui. Les shadows qui seraient pris un shadow ban. Le plus au masque. Oh là là, le. Je crois qu'il est dans l'interrogatoire actuellement. C'est le joli jeu de mots. Shadow qui se fait shadowiser. Ça fait plus de noir en fait là. Ah, c'est le trou noir là, carrément, oui. Il s'est fait aspirer dans le trou noir là. Il devient inexistant. Il se permet de faire des blagues alors qu'il est pas là. Quelle sombre histoire. Ah bah on en profite pour éviter de se faire casser les boulons. Ouais, tu sais ce que Vector dit, hein, quand Shadow n'est pas là, les Sonic dansent. C'est un truc à ajouter au livre des citations. Oui, tout à fait. Qui va être une des features du nouveau site d'ailleurs. Alors du coup, en fait, l'adresse du site, ce sera sonic.maxlefou.com. Voilà. En plus, c'est facile à retenir. C'est plutôt pratique. C'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant là. gmfcomicdubs.tumblr.com. Ça, c'était un peu long. C'est facile. Il va être en fiche juste là, ou alors il va être juste en bas dans la description. Oui, tout à fait. Et mon ancien site, le lien, c'est limite un code de triche pour les jeux. Oui. Quand les jeux, c'est pour les PlayStation. Premier nom. Limite, tu passes plus de temps entre un code de triche qu'à jouer au jeu. C'est pas faux, ça, oui. Ah, mais c'était trop vieux, ce croco. Et du coup, vous verrez, je me suis bien lâché sur le design. Vous verrez un design à la Sonic Adventure. Je pense que vous allez apprécier. Enfin, vous verrez bien. Et du coup, on l'avait presque oublié, mais dernière mauvaise nouvelle, vous l'avez probablement vu dans les news récemment aussi, mais malheureusement, on a fait la demande pour voir si on pouvait faire un doublage français de Project Shadow, et l'auteur nous a carrément refusé le projet. Nous a autorisé uniquement éventuellement à faire un doublage du trailer ou des extraits de moins d'une minute, mais franchement, je pense pas que ça vaille le coup, quoi. Donc du coup, c'est dommage pour Project Shadow. Quel dommage pour eux, surtout dommage pour eux. Il rate un Shadow exceptionnel et une Maria qui a d'ailleurs, je tiens à vous remercier, été très bien accueillie. Oui. Merci pour elle. Oui, merci beaucoup. Tout à fait. Pour oui. Elle. Merci. On fera vite pour vous la présenter bientôt dans les prochaines vidéos. Oui. Là, normalement. On a ressuscité, on a trouvé les boules de cristal. On avait essayé de l'inviter cette fois-là, mais bon, malheureusement, elle était peu occupée. Donc, à la prochaine fois, sans doute. Et on vous promet que celle-là ne risque pas de mourir. Oui. Surtout parce que sinon Shadow risque d'être très en colère. Oui. Encore. Encore. Est-ce qu'il y a un moment où il n'est pas en colère en fait? Oui, non, mais continue avec Jim. Je pense que lui trouver celle-ci lui a compris. Ce serait dommage qu'il soit en colère pendant qu'il est en colère, quoi. La double colère. Ouais, wow. Double colère. Bon, sinon, la colère est aiguë. J'ai un truc. Une colère avec lequel je vais passer à la suite. Oui. Oui, alors. Actu de la franchise. Alors. On avait fini avec les bonnes nouvelles. Oui. Les mauvaises nouvelles surtout. Oui, voilà. On passe à un sujet plus joyeux. On va parler du film Sonic 3 et de ma série, mais pour commencer, on me balance sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une question et je pense que c'est bien pour commencer le sujet. Vas-y. Imaginez qu'il y aurait une scène post-générique pour le film Sonic 3. Préféreriez-vous y voir notre ami Silver le Hérisson ou Metal Sonic ? Silver. Mais Metal Sonic, ouais. Enfin ! J'ai ma petite idée, j'y répondrai à la fin, par contre moi ça va être un peu long. Parce que perso, je vois Metal Sonic être dans le film en lui-même aussi. Ah bah voilà, bah pareil pour moi aussi. Moi. Merci Amy, au revoir. Je n'ai plus rien à dire. Putain de. Bien, si je souhaite être réaliste, je dirais Metal Sonic. Par contre, l'idéal, ce serait vraiment de donner une seconde chance à Silver. Oui. Ça serait bien, oui, Silver. Vous savez quoi, les deux sont possibles. Hein. Mm-hmm. Alors, puis-je donner mon argumentation, ma théorie sur le film ? Non, non, pas un mélange des deux, mais les deux possibilités sont possibles. Oui, mais je réponds à Tails, enfin, je suis poli. Écoute, sois poli, il écoute pas quand on lui parle. Oh, il est pas possible. J'ai pris personnellement, pardon. Mets ton marteau. Calme-toi, Amy, prends ton anti-stress. Mais c'est de la politesse, je parle à Tails. J'ai trouvé une boîte sous la table de nuit. Ah. Quoi? Ça va, Tails? Je crois que... Non, j'irai trouver ton nom, tu vas dire. Tails, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Non. Une boîte, visiblement. Une boîte? Bon, pas grave, on verra ça à la fin de l'émission. Oui. Tu veux bien? Oui. Bref, est-ce que je peux argumenter ma petite théorie sur le film? Oui. Alors, ce que j'imaginais, à la fin de Sonic 2, on voit Eggman qui perd, voilà. Mais on ne sait pas où il est passé. On sait qu'à la fin de Sonic 2, le gun réveille Shadow. Dans l'histoire de base, c'est Eggman qui réveille Shadow. On sait également que Eggman doit être dans le film Sonic 3. Voilà ma théorie. Le gun réveille Shadow. Shadow, il travaille un petit peu pour le gun, pour je ne sais quoi, bref, on s'en fiche. Il fait équipe avec Sonic pour battre le gun. Eggman apparaît. Boss final du film, Metal Sonic. Scène post-crédit, Silver le Hérisson. Bam! Moi, je n'imagine pas du tout comme ça. Mais après, c'est une bonne théorie, moi. Ça tient la route quand même. Oui. Après, il y a des trucs d'adaptation, t'es au courant, Knuckles? Parce que dans l'histoire de base, on ne sait pas en plus de ça si Eggman. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas programmé pour réfléchir, je suis juste programmé pour être un colémique relief. Mais, d'après Mais tu es programmé pour aller sur Wikipédia. Tu veux dire que tu as un cerveau qui fonctionne? Un cerveau mécanique, mais un cerveau quand même. C'est un cerveau moteur. C'est un robot, il peut aller sur Wikipédia. Mais du coup, dans le film, ça m'étonne qu'on revoie Eggman. Bon, après, je me fais pas de soucis pour lui. Il est si fort, si beau. Attends, Orbot, j'ai été programmé pour ça? Plus ou moins, oui. Oh, crotte. Bon, pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que Shadow apparaisse dans le film, ok. Mais de base, tu sais, dans l'histoire, il est réveillé par Eggman, certes, mais Eggman est encore là. Du coup, je me dis, s'il y a en plus de ça Metal Sonic, ça ferait deux intrigues différentes. Donc bon, peut-être un peu trop de scénario. Moi, j'ai une autre adaptée. On sait que le film Sonic 3 est un film très ambitieux, donc moi, ça ne m'étonnerait pas. Elles ont une théorie ? Oui. Moi, je trouve que ce serait plutôt le gun qui déciderait de réveiller Shadow. Mais on a bien vu qu'ils ont quand même essayé indirectement pour pas non plus se faire révéler au grand public, parce que le GUN reste quand même une association militaire top secrète. Donc essayer n'ayant pas réussi, et le docteur Eggman non plus, je pense qu'il passerait au niveau supérieur. Donc il réveillerait justement peut-être Shadow, mais il irait peut-être un peu trop loin dans l'histoire, je m'explique. C'est-à-dire qu'au début, Shadow serait très certainement coopératif, sachant qu'il a été endormi depuis une cinquantaine d'années. S'ils reprennent exactement les mêmes éléments que dans Sonic Adventure 2, donc il serait certainement coopératif, il ferait ce qu'on lui dit, mais petit à petit, je pense que des souvenirs lui reviendront s'ils essayent de faire un œil au jeu de PlayStation 2 de Shadow the Hedgehog, et donc au fur et à mesure qu'il reverrait en souvenir Maria, il va commencer à dévier des consignes, le chemin des consignes qu'on lui aura donné, et il va se mettre certainement à chercher Maria. Il pourrait découvrir la vérité, se rendre compte eh bien, qu'aujourd'hui, elle n'est plus là. Et là, il pourrait devenir complètement fou et il suivrait certainement son propre chemin. Après, il pourrait tout aussi bien aussi s'échapper dès le début. Oui, au moins, ça se passera dès le début et peut-être même à la fin de la série Knuckles. Mais ça, ce n'est qu'un détail. Alors attention, il faudrait peut-être pas changer le projet Shadow et la série Knuckles. Ce serait deux choses différentes. Oui. Moi, la série Knuckles, c'est un spin-off. Non, ça se passe juste avant Sonic 3. Vraiment juste avant. Ah, ok. D'accord. Donc justement, je me suis dit que la scène post-crédit de la série Knuckles du dernier épisode pourrait être le réveil de Shadow. Alors non. Alors si la série Knuckles se passerait avant Sonic 3, donc ce serait peut-être plus intéressant d'introduire Rouge. Oui. C'était mon autre théorie. Je voulais en parler dans la partie théorie. Ça serait pas mal. Je vois tout à fait ce que Tails veut dire. En fait, Tails voudrait dire que, sachant que le projet... pas le projet Shadow, que la série Knuckles se passe avant Sonic 3. Donc ça signifie que dans Sonic 2, la Master Emerald étant été utilisée à la place des émeraudes du chaos, ce que le réalisateur voudrait introduire, c'est très certainement moi-même. Et ça se comprend. Je passe les détails. Est-ce que tu insinues que parce qu'il y a un gros bijou dans la série et dans le film, tu risques d'apparaître de manière bizarre et gradant pour la femme? Mais non, tais-toi le vieux, je n'ai pas ta vie. Le vieux, j'ai toi ta vie. Mais aussi, c'est qu'on t'a pas vu dans le trailer. Je voudrais dire. Forcément qu'ils la montreront pas. Après, on a vu personne dans le trailer actuel. S'il y a une surprise comme ça, forcément qu'ils la montreront pas dans le trailer. Je m'introduirai très facilement dans l'équipe du Gun, mais en faisant des enquêtes sur le projet Shadow, tout simplement pour aider le Dr. Eggman. Donc au début, je pourrais faire partie de l'équipe du Docteur. Les méchants qui me permettra de négocier avec Knuckles. Knuckles qui aurait comme objectif de rassembler la Master Emerald afin que le Docteur Robotnik ne remette pas la main sur cet immense pouvoir comme dans Sonic 2. Ça se tient. Si je peux me permettre cette petite référence. Le négociateur. Alors là, avec tout ça, si on devine le film prochain, je veux que vous m'invitiez tous et que vous me traitez pendant un roi pendant une journée. Vendu. Oui. Moi, il y a une chose en tout cas que je voudrais mentionner, c'est que... C'est moi qui ai raison, tu m'accompagneras toute la journée au supermarché. Oui, alors déjà, il faut absolument qu'il y ait Amy déjà dans le film 3, là. Mais alors surtout... Mais c'est logique, ça réunirait toute la team. Oui. Ah oui, et que pourrait-elle faire dans Sonic 3? Ben, c'est une bonne question, en vrai. Le love interest de Sonic. Comment est-ce que j'arrive? C'est ainsi que votre roi arrive. J'ai une idée. Alors, on sait qu'on devrait avoir la colonie spatiale Ark, d'une certaine façon. Au moins qu'on en parle. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit. Non mais, on sait qu'elle sera là, forcément. On ne peut pas faire un film sur Shadow, très inspiré de Silicon Adventure 2, sans au moins une apparition de la colonie spatiale Ark. Bref. Amy, où qu'elle soit, verrait la colonie spatiale, trouverait un moyen de s'y rendre pendant que tout le monde y est, et c'est là qu'on la verrait pour la première fois. Pourquoi pas? De la même façon que dans Sonic 2, Tails est arrivé sur Terre en voyant Sonic. Voilà. Oui, ça me paraît logique, oui. J'essaie de déterminer un peu du comment, mais... un élément indispensable qui va permettre, du coup, parce que c'est quand même Amy, Raison Shadow. Oui. Après, c'est différent parce que... Quand Shadow part, les anneaux me sont remis, en tout cas ces chargeurs. Donc, est-ce qu'il ferait quelque chose de différent, les passant à Amy? Ce serait... Je tiens à préciser quelque chose qui me paraît être une bonne théorie. Oui. Sonic 1 nous introduit un perso de la série Sonic. Sonic 2 nous introduit deux persos supplémentaires. Tails et Knuckles. Moi-même, votre hôte... Moi-même. Oui, bon, on a compris. Sonic 3 pourrait introduire trois personnages supplémentaires. Shadow, Rouge et Amy. Ah, C'est tout ce que j'ai à dire pour vous. J'espère, bisous, vraiment, Toto. J'espère vraiment que ça va être ça. Vous savez, trop de théories tuent les théories. Oui, c'est pas faux, oui. Mais il y a une chose aussi. C'est pas ce que disait Matt Pat. Il y a une chose aussi pour en revenir sur le fait de voir Silver en post-crédit. Silver, je veux bien, mais pas Elise, s'il vous plaît. Je veux pas voir Elise. Oui, si vous mettez Silver, mettez un bon contexte post-apocalyptique qui va bien. Oui. Je pense que réécrire une histoire serait pas mal. Bon, alors. C'est je là pense... qu'il trouve vraiment alors, une actrice. Petite aparté. Je vous remets en garde concernant les leaks de Sonic 3. Pour l'instant, il n'y a pas eu de débordement, on n'en voit plus, mais on sait jamais, on peut en revoir. Je les ai vus. Et je peux vous dire, sans trop en divulgâcher, que ce qu'on voit dans les leaks pourrait très bien introduire Silver. Je n'en dis pas plus. Après, c'est à prendre avec des pincettes, hein, comme tu as dit. À prendre avec des pincettes, évidemment. Un storyboard n'est jamais définitif. Tout à fait. Bon, après, alors, si bon, les storyboards de Knuckles vont se sont avérés vrais. On coupe la parole de Vector depuis tout à l'heure. Désolé, Vector. À toi, mon ami. Ne vous en faites pas. Je me sens pas du tout seul. Bref. Vous en faites pas. Je ne deviens absolument pas comme Espio. Vas-y, enchaîne. Oui, nous allons enchaîner sur l'actu du fandom. Et attends, Orbot. Non, Orbot. Cubot, où il est passé, ton copain? Je sais pas. C'est pas vrai, je te jure. Oulala. J'ai fait des gâteaux. Je fais des gâteaux. Ah, moi, tu es pas du tout. Des gâteaux. Ah, mais merci. Oh, merci. Aussi... Oh, parfait. Bon. C'est vrai que j'ai oublié d'emmener des cookies aujourd'hui. Je suis désolée, j'avais plein de trucs à faire. Moi, c'est pas grave. Il est malin aujourd'hui, on a pas de gilet non plus. Oui. C'est vrai qu'ils font de bons gâteaux. Et malheureusement, Paris n'est pas là non plus. Il travaille sur sa nouvelle recette de chili dog des mers. Aspiré Tonic Prime. Oui, ça promet, ça. Sonic, ça, c'est une excellente recette qui passerait bien dans... Gastronogeek l'a fait. Pour ceux qui le suivent, il a fait le chili dog des mers. Voilà. Ah oui. Oh, je savais qu'il avait fait celui de base, mais je savais pas qu'il avait fait celui des mers. Il se renouvelle tous les jours, en fait. Il a fait quelques jours. Sonic, tu manges des mers? Tant que c'est épicé, je pense qu'il mange, mais bref. Allez, oui. Donc, actu du fandom. Le shipping Sonado, Bazed ou Cringe? Oh. Cringe. Cringe. Cringe. Cringe. Cringe. Oh, bah, oh non. Avec... Non, oh non. Cringe. Je me suis étonné. Ok, pour les gays. pour les homosexuels, peut-être. Bonjour, les gars. Il était. Bon, bon, moi, non, tout le monde est d'accord là-dessus. Il est surcoté, en fait. Il est trop surcoté. Oui, c'est vrai. Rien que dans les commentaires, on nous le demande. En fait, on nous le demande tellement souvent que ça en est devenu indigeste, en fait. Voilà. En fait, le problème avec ça, c'est qu'on le voit partout. Et du coup, c'est le problème de beaucoup de fandoms. Beaucoup ont envie de voir deux persos qui se détestent être ensemble. Oui. Et souvent, deux hommes. Exemple, le premier homme qui me vient en tête, My Hero Academia. Izuku Bakugo. Ça marcherait aussi avec Goku et Vegeta. Je voulais pas le dire parce qu'en tant que fan de Dragon Ball, ça me fait mal au cœur de le dire ça. Je compatis avec toi. J'ai dit autre chose, je me suis retenu. Je compatis. Ça peut peut-être marcher dans certaines circonstances, mais pas partout. Enfin, soyez pas stupides. Dude, je peux me permettre de casser le délire de certains shippers? Vas-y. Arrête de shipper. Oui, vas-y, dis-nous. Allez, ça va être un petit moment de vengeance. Après tout, j'ai été programmé pour semer le chaos. À moitié, mais bon. Ouais, sachez-le, à tous les shippers qui aiment My Hero Academia, vous pouvez oublier tous les ships Bakugo, Deku, je sais pas qui, voilà, ainsi de suite. Vous pouvez oublier, tous les personnages sont hétéros. Voilà, ça c'est dit. Allez. Exactement. Voilà. C'est l'auteur lui-même qui l'a confirmé. Respectez le cadeau. Intéressant. Intéressant. On pourrait des alternatives. D'ailleurs, je vois beaucoup. C'est entièrement inspiré pour certains personnages. Ah oui? C'est un très grand fan de Star Wars. Exactement. Ah oui. Ah, c'est vrai que la première scène de l'animé se passe dans la gare Tatooine. J'avais jamais remarqué ça. Grand Torino est complètement inspiré du Maître Yoda. Ah, Maître oui. Yoda. Maître Yoda. Maître Yoda. Yoda. Yoda. Bon, bon alors, moi, Yoda, vous ouvrirez, jeune Padawan. La position du serpent, tu feras. Oh là là, ça me rappelle une très vieille fiction audio parodie en Star Wars où justement Yoda s'appelait Maître Yoda justement. Maître Yoda. Yoga. Ah yoga. Maître Yoga. Le yoga, cet art ancestral de la méditation et de la maîtrise de soi. Mais c'est vrai que ça va être pratique de se maîtriser, de ne pas taper tous ces shippers. Parce que j'en ai un peu marre. Imaginez, on ship Amy et Knuckles, Tails et Rouge. Oh, où est-ce qu'on va? Oh non. Il y en a qui sont plus logiques que d'autres, mais... C'est vrai. Pour terminer avec les shippings, je tiens à faire une petite aparté. Je vois beaucoup de gens sur Twitter ou d'autres réseaux qui dénigrent le ship Son et Amy, qui est le plus logique de tous, mais c'est une autre histoire. C'est presque le plus canonique même. En fait, vous avez le droit. Vous avez le droit de ne pas aimer un ship, ça, les goûts, les couleurs, ça ne discute pas. Par contre, n'essayez pas de décanoniser quelque chose de canon sous prétexte que vous n'aimez pas. Voilà. C'est comme la guerre de ship stupide entre le Son et Amy et le Son Ali. Ça s'appelle de la mauvaise foi et de l'hypocrisie. À quoi ça vous sert de vous battre bêtement juste pour un shipping? C'est vrai ça. Prenez les faits et réfléchissez à pourquoi ça existe. Le véritable amour, c'est la mère Son Ali qui donne tout son support à sa fille Son Amy. J'ai lu ça une fois. Quoi? C'est si beau. Ça sort quelque chose de philosophique. C'est pas de moi, je l'ai lu sur internet. Il y avait quoi dans cette gâteau hors botte? Attends, c'était pas marqué dans les infos, ça. Alors, bah, depuis quand sont les gays philosophes? Mais je ne sais pas. Les équidnés sont des monotrèmes. Je m'attendais à un podcast chaotique, mais là, c'est un niveau dépassé nos espérances. C'est bien au-dessus de nos espérances, là. Et pourtant, en termes d'espérance de chaotique, je suis quand même très haut placé. Et moi, je suis un chaotique, c'est dans mon nom. Vous savez quoi? Vous avez qu'à retourner voir le live qu'on avait fait où on faisait une tier list. Voilà. Oui, tout à fait. Là. Lien en description, n'hésitez pas. Voilà. Cliquez. Et pour le reste, on ne parle pas du shipping parce que nous respectons les ships canoniques. Voilà. J'ai cru que t'allais dire qu'on ne parlait pas du chalet. Mais c'est vrai, on ne parle pas du chalet non plus. Même si on est dedans, là. Merci, on est dedans. Ça n'a rien mais à voir. Ne parlons pas du chalet. Ne parlons pas du chalet. Même d'ailleurs, durant ces vacances et cette petite pause de la team, vous savez très bien où nous trouver. On va en faire une chanson. On va en faire une parodie. Ne parlons pas du chalet. Faites-moi chanter. Ne parlons pas du chalet. Si vous me faites chanter ça. Bonheur. J'ai une histoire intégrale de musique dans mon cerveau. Je rajoute à la liste. Voilà. On note. Oui. Bon, on enchaîne. Knuckles, de quel jeu tu vas nous parler aujourd'hui? Oui, j'en sais. Alors, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de l'annonce du prochain jeu Pokémon Légende ZA, ou comme j'aime l'appeler, Légende Pokémon. C'est un sujet pour moi. J'appelle à la barre mon renard malin, mon renard geek. Laisse parler les experts. Alors, c'est quand même moi qui fais les reviews, laisse-moi parler, Tails. Je suis en train de parler, tu laisses les professionnels s'en charger, s'il te plaît. Merci. Vous bagarrez pas. Le prochain jeu qui a été annoncé, c'est Pokémon AZ. ZA. Waouh. Et il me fatigue. dis tellement je me reprends. Je disais que le prochain Pokémon a été annoncé. C'est ZA, AZ, peut-être Pokémon Z, Pokémon Légende ZA, non, c'est Pokémon pas ZA, Pokémon AZ, comme vous voulez. Tout ce qu'on a vu, c'est seulement le titre du jeu. Et il semblerait que la génération de Pokémon X et Y, c'est-à-dire la 6G, soit de retour. Oh là là, je suis tellement Je me permets de te couper. Abrèche frère, on aurait besoin de toi. Le retour des méga évolutions. Abrèche frère. Plein de nouveautés, et en effet, la 6G, a été énormément appréciée, en particulier les méga évolutions et l'arrivée du type P, qui maintenant n'est plus nouveau aujourd'hui. Hein. Le type P a d'ailleurs ses 10 ans cette année, il me semble, parce que le jeu est sorti en 2013, fin 2013, début 2014. Oui, il me semble, oui. Oui, il me semble, ça me fait quelque chose, oui. Parce que je sais que Pokémon Lune et Soleil date de 2015 et que le 2 est sorti en 2016. Enfin, en tout cas, ça va faire, les 10 ans du type P cette année. C'est trop bien, mon dieu! Mais est-ce que ça va être un remake de XY comme ils ont fait pour Diamant et Perle, ou est-ce que ça va être... Je pense... Comme pour les gens d'Arceus. On va repartir du coup sur des théories. Je pense. Est-ce qu'on peut me laisser ma rubrique quand même? Non, Tels peut d'abord finir cette rubrique. C'est moi le gamer ici. C'est moi qui passe à l'heure sur Knuckles. On te laissera faire ta review parce que c'est sur le même sujet. Oui. Merci. C'est moi qui passe 13 heures sur un écran. C'est pas faux. Du coup, pour moi, je vais vous dire une théorie. Je suis presque sûre que ce sera une sorte d'extension de la France. À ne pas oublier que Pokémon X et Y est inspiré de la France et que nous sommes des comédiens français. Donc forcément, ça vous inspire. La France, oui, c'est la volée, le vin, le champ, j'allais dire le shampoing, mais non, le fromage. Le béret. Bah, si on... L'huile d'olive. Enfin, non, je vais pas me mettre à parler comme ça. On va éviter de parler de bouffe parce que sinon on n'aura pas fini. On fera ça après l'enregistrement si vous voulez. Oui, et puis Knuckles va encore manger son micro sinon. C'est ça. Et donc du coup, pour vous rappeler... Je suis en train d'assaisonner pour le coup. La région de Kalos est complète. Il n'y a que le haut de la France, il n'y a pas le bas. Et il faut savoir qu'à la base, il y avait un jeu d'extension, donc une sorte de Pokémon Z. En tout cas, quand on cherche dans les fichiers des jeux 3DS de Pokémon X et Y, on peut retrouver des fichiers corrompus. Ça, c'est vrai. Appelé Pokémon XZ et Pokémon YZ. C'est un projet qui a été abandonné pour repartir directement sur une nouvelle version de Pokémon. On ne sait pas trop. Enfin, c'est dommage parce que du coup, la 5G a été très rapidement bâclée et à l'inverse, par exemple, avec Let's Go, Pikachu et Evoli, se sont trop attardés sur une région et forcément, les jeunes joueurs ont été très rapidement lassés. Et c'est pour ça que du coup, je trouve que c'est une excellente idée que Pokémon revienne. Super, revient, mon Dieu, la 6G. Ah, c'est trop bien, je suis un grand fan de cette licence, sachez-le. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, je suis quasiment sûr qu'ils vont refaire la carte de Kalos. Pourquoi pas la faire dans un monde futurisme où, vu que c'est un Legend et que c'est confirmé que ce sera une sorte de Pokémon Legend Kalos. Donc, pourquoi pas en savoir plus, en particulier sur Zygarde qui a été complètement ignoré. C'est juste un Pokémon capturable, on sait rien de lui. Il faut regarder le film pour en savoir, en particulier avec Volcanion. Peut-être et encore, que c'est une version complémentaire qui avait été avortée à l'époque, parce que Tout à fait. Je crois que XY n'a pas de version complémentaire comparée au jeu précédent. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'après X et Y, il n'y a pas eu de... Ah bah si, il y a eu Soleil et Lune et... On est passé directement à une nouvelle région. Mmh. Et dans cette nouvelle région, Pokémon Soleil et Lune, il y avait une sorte de quête avec Zygarde. Je pense que c'était l'idée de base qu'ils voulaient utiliser pour cette extension où il faudrait retrouver les morceaux de Zygarde pour le reconstituer et le capturer à la toute fin. Au final, ça a été une des pires utilisations de cette idée parce que dans Pokémon Lune et Soleil, il y avait quasiment 250 morceaux de Zygarde à retrouver, donc c'était juste une chasse au trésor ennuyante et très chiante à chercher dans tout Alola. Ils ont fait un remake des Arby. C'est un peu ça, mais en pire, sauf que c'est tous les mêmes, donc au final, c'est en moins bien. Alors, si tu veux, j'ai une astuce pour vous. Sachez-le, je vais appeler ça les astuces de Orbot et Cubot, si vous le permettez. Oh là là. Dans les jeux Ultra Soleil et Ultra Lune de Pokémon, il y a certes environ 250 cellules de Zygarde à capturer pour avoir Zygarde forme 25%, 50% et 100%. Seulement, il y a un moyen d'avoir la forme 100% et de compléter le Pokédex sans se tuer à la tâche. Si le jeu implante 250 cellules, c'est pour être sûr que le joueur est un moyen de pouvoir avoir Zygarde forme 100% et ses trois formes. Mais ce que vous pouvez faire, c'est dans une grotte aller capturer Zygarde forme 50%, le grand serpent. Vous allez avoir un autre Zygarde avec une quête ou un événement bonus, je ne me rappelle plus. Un autre Zygarde qui a sa forme 25%, le gros chien. Il vous suffit d'ailleurs avoir 25 cellules seulement, décomposer le 25%, décomposer le 50%, reconstituer tout ça, et vous avez la forme 100% de Zygarde, avec seulement 25 cellules récoltées et 2 Pokémon capturés. C'est une bonne astuce. Mais si c'est vous complétez le jeu 300%, vous n'aurez pas le choix. Il va falloir tout déverrouiller. Sachant qu'en plus, que pour avoir certaines pièces essentielles pour... ben, je me souviens, par exemple, c'était essentiel de capturer tous les morceaux de Zygarde, en particulier pour avoir un événement qui permettait d'avoir Xerneas et Yveltal en version shiny, qui a été distribué que en Chine par cadeau mystère et seulement à des événements comme la Japan Expo pour ce qui est en... Il fallait que vous ayez déjà un Zygarde dans votre jeu. Donc ça, c'est plutôt embêtant. Ah oui. Enfin, dans tous les cas, si vous voulez finir le jeu à 100%, vous êtes obligé de passer par là. Mais j'approuve ton idée, Q-Bot. C'est tout à fait. On va la tester. Merci beaucoup. Bon, je pense que Knuckles va être impatient de dire sa propre rubrique. On a empiété dessus, désolé. Oui. Bah toi, tu vas pouvoir faire ta review de XY, là, du coup. Voilà. Si ton micro est encore en état, parce que j'ai entendu que tu l'as bouffé. Non, pardon, je m'étais endormi. Alors, après cet aparté d'à peu près une semaine et demie, je peux enfin, je pense, parler du jeu Pokémon XY. J'ai ressorti ma 2DS de mon vieux placard poussiéreux. Et j'ai rejoué à Pokémon XY. Par quoi commencer De mémoire, je crois que c'est le premier Pokémon en 3D, déjà. Entièrement bah, en 3D, je veux dire. Entièrement en 3D, tu veux dire. Pokémon principal en 3D. Pokémon oui. Stadium et tous les autres pin-off ne comptent pas. Et puis qu'ils soient entièrement en 3D, parce qu'il me semble que, par exemple, Diamant et Perle, les maps étaient en 3D, mais les combats et les sprites étaient encore en 2D, oui, il me semble. C'était une simili-3D, oui, c'était pour Noir et Blanc 2 aussi, d'ailleurs, les décors étaient en simili-3D. Oui, tout à fait. Et bref, je reviendrai peut-être sur Pokémon Noir et Blanc, qui reste ma génération préférée. Voilà. Moi, elle était trop bien, c'est très bien. Peut-être un jour tu feras un let's play Pokémon. Pourquoi pas. Moi, ça me rendrait heureux. La région de Sinnoh. Ah, moi, vous qui écoutez ce podcast, si vous voulez un jour un let's play de Pokémon Noir et Blanc, likez, commentez, partagez. Pour notre génération. Hein. Moi, je suis pour, j'ai même des plein d'idées à proposer. Ça va être super. On va ça après l'enregistrement. Dans Pokémon XY, il y a eu les fringues. Je suis désolée, mais c'est pas possible. Je veux absolument que j'utilise cette version et que celle-ci soit ma préférée. Ce que je voulais dire en parlant de la 3D, c'est que pour un jeu 3DS, ben, il est quand même agréable à regarder. Je l'avais beaucoup aimé aussi. Deuxième bon point, musicalement, il est très très bon aussi. J'adore les petit clin d'œil pour un OST d'XY que j'aime vraiment énormément. C'est le thème des combats d'arène. Le thème de Lysandre, il est génial. Moi, j'aime bien la musique quand tu rentres chez le professeur. Moi, ma préférée, c'est celle de Illumis. Ça fait très parisien, je trouve. Ça colle bien avec la ville. D'ailleurs, je tiens à rebondir sur le fait que Illumis a son plan de réaménagement avant Paris. Voilà. Moi, perso, j'aime bien les chansons de Volicité dans la 5e génération. C'est d'une pépite, mon dieu! Celle-là, j'en parlerai si un jour je ferai une review Noir et Blanc, et bien sûr, j'en ferai une. Mais oui, c'est vrai que... trop débordé. Bon, les thèmes de Noir et Blanc sont excellents. Les remakes arrivent bientôt. D'ailleurs, tant qu'on parle de Noir et Blanc, le thème du combat contre Nicolas... Voilà. Oui, mais là, on parle de XY. Oui. Oui, mais de toute façon, il va bientôt falloir conclure, Knuckles. Oui, en plus. Oui, alors, je vais essayer d'abréger, frère. Alors, le jeu est très bon. Enfin, il n'est pas à la hauteur d'un Noir et Blanc scénaristiquement. Il y a des moments très lents, des personnages vraiment oubliables. Mais en soi, le jeu, il est très agréable à jouer. Petit débat, je lance un très petit débat, très court. Les méga évolutions, pour ou contre, moi, mitigé. Allez. Moi aussi, ça dépend, en fait. Pour aussi. J'ai pas eu l'occasion de tester, donc je sais pas. Alors, d'un côté, le problème des méga évolutions, c'est que ça sert pas à grand chose à part un léger up de stats. Très, très. Comment dire ? Très très anecdotique finalement. Ouais, c'est ce que j'avais remarqué aussi, oui. C'est que les Pokémon gagnent un certain flow. Notamment mon préféré, Mega Lucario. D'un côté, il y a les autres Mega Evolutions, Kangourex, sa Mega Evolution, son bébé sort de sa poche. Bravo, bravo, Gepric. game design. Quelle évolution de malade. Révélation de malade. Vraiment désolé, mais j'ai pas de la... La méga évolution apporte plein d'éléments qui peuvent être très variés et imprévisibles en combat si vous n'êtes pas un minimum informé sur le type de méga évolution que le Pokémon peut prendre. Je vais vous donner un exemple. Stratégie, ça va être chiant, quoi. Le... Lui, il fait que regarder le pierre toute la journée, il ne connaît rien. Il peut avoir un changement de type. On veut une, toi. Il peut avoir un changement de talent. Il peut apprendre des nouvelles capacités. Ça peut permettre à un ancien Pokémon d'apprendre des nouvelles attaques, rien qu'en lui donnant une nouvelle méga évolution pour que ces nouvelles attaques qu'il ait appris, il puisse s'en servir sur la méga. Donc ça veut dire qu'un Pokémon qui a une méga évolution, même si vous ne l'utilisez pas, il aura quand même du nouveau, des éléments qui seront nouveaux. Ça, mais c'est super. Et en plus de ça, ça apporte 100 points dans dans n'importe quelle statistique. Donc bien sûr, ils sont pré-rétablis. C'est Game Freak qui décide combien de points ils mettent dans telle ou telle statistique. Mmh. Mais si vous faites le calcul, toutes les méga évolutions, elles ont 100 points de plus qui sont répartis sur la totalité de leur stat. Oui, d'accord. Oui, c'est quand même pas. Et en plus d'apporter un nouveau design, de nouvelles capacités, ça peut apporter des nouveaux types. C'est génial, ça apporte plein de choses, la méga évolution et tout ça en même temps. Ah oui. Ça changera pas la gueule de Mega Flagados. Voilà. Mais avant, tu es trop beau. C'est un roi parmi les rois. Mais si tu regardes. La Ramolos qui se fait manger. Regarde Mega Altaria par exemple. Mega Altaria apprend Poféeric, un nouveau talent qui lui permet d'utiliser des attaques de type fée. À la base, c'était un Pokémon nuage, donc un dragon de type vol. Il perd son type vol et il gagne un type fée à la place. Et pourtant. Bon, bah, ça lui apporte plein de nouvelles choses. Et ta Dracaufeu, il devient enfin de type dragon avec une méga évolution. Ah, il était mais c'est pas trop tôt. Et bon, par contre, j'avoue qu'il y a certains Pokémon, c'était un petit peu abusé. Hein. Genre Mewtwo, il en avait pas du tout besoin. Rayquaza non plus, il avait pas du tout besoin d'une méga évolution. Surtout qu'en plus, lui, il a mangé sa méga gemme. Pardon. Donc, vous pouvez lui donner un objet. Rayquaza, c'est hors sujet. Bah, Rayquaza, c'est dans Rosa, pas dans XY. Bon. Bah, oui, mais ça reste une méga évolution. Oui, mais là on parle des méga évolutions. Ça reste une méga évolution. Voilà. C'est Pokémon Y. Ah oui. Mais à quoi ça sert de donner une méga gemme à un légendaire qui de base doit avoir des stats complètement pétés? C'est le but qui est de ça. Ça sert à rien en fait. C'est juste pour les fans. Fan service. Voilà. Ouais, ça doit être ça. C'est des dieux, pourquoi leur donner plus de pouvoir? Ah, mais surtout qu'après, il y a eu la création des Dynamax, des Gigamax, des Terra Cristallisation. Bah, je pense que si c'est un petit peu un truc qui parle de tous les coups après. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer? J'ai l'impression que c'est des plats thaïlandais. Mais Mistybule, par exemple, qui est un Pokémon complètement oublié et qui était dans le Neverused, avec sa méga évolution, il a été banni des légendaires. Vous pouvez battre un Rayquaza avec un méga Mistybule. Et on parle d'un Pokémon qui existe depuis la région de Hoenn, qui a jamais été utilisé même dans Saphir, Émeraude et Ruby, parce que ses stats étaient nuls. Bon, ils ont peut-être un petit peu abusé de la méga évolution de Mistybule. C'est vraiment trop bien, c'est... Bon, ça suffit, on est dans Sonic Switch, au Pokémon. C'est sûr. Bref. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Pour conclure, la méga évolution, pour moi, c'est génial, à condition qu'elle soit bien utilisée et au bon Pokémon. Merci. C'était un débat intéressant. Merci. Bref, on va arrêter de parler méga évolution, parce que sinon on va passer encore une semaine de plus. Pour ce qui est de l'aspect des légendaires, moi je suis fan. Yveltal, surtout en shiny, énorme coup de cœur. Ah oui, il est blanc. En fait, ils sont tous les deux blancs. Oui. Ah, pas pour Yveltal, pour moi j'ai l'impression qu'il ressemble à une tranche de bacon. Oh, je ne me donne plus jamais faim comme ça sans contexte, d'accord? J'ai la dalle. Je vais aller de ce pas. Dès qu'on a fini, je vais. Là, je vais demander à Barry de me faire goûter son œuf. Ça fera avec un œuf. Un bacon. Arrête, moi aussi j'ai faim maintenant. Allez, s'il vous plaît, on termine, on plus vite. On a qu'à aller au resto, on fait un service. Pourquoi on parle de resto? On était censé parler de Pokémon XY, bordel de merde. Allez, justement, conclue vite, comme ça on va au restaurant après l'enregistrement. Oui. Alors, les quêtes de devoir chercher les cellules de Zygarde, honnêtement, bon, inutile. Moi, ça m'a saoulé au bout d'un quart d'heure. Et le scénario? Le scénario, ben, il est bon, mais sans plus. Et voilà, il est un scénario basique de jeu Pokémon en fait. C'est ça. Pour conclure, pour ce qui est des Pokémon en soi, bon, très très beau, voilà. Les starters. Les starters. Est-ce que ce sont des bons starters? Il y a un starter qui est bon, les deux autres oubliables au possible. Amphinobi, gros énorme coup de cœur. C'est pas pour rien qu'ils l'ont mis dans Smash. D'ailleurs, pour vous dire, hein, c'est tellement j'en avais rien à foutre des deux autres, j'avais oublié le nom de leur évolution. Pour moi, c'est juste Fennec et Marisson. Merde. Marisson, merci. Marisson, voilà. Ouais, bon, pour vous dire à quel point j'en ai rien à foutre des autres, hein. Oh, moi j'aime bien Fennec, il est mignon. Oui, moi j'ai pris Fennec, ouais, surtout parce qu'il était mignon. Fennec est mignon, mais ses évolutions sont claquées. Ouais. Même pas les chefs, pas de Bogueris. Pas de Bogueris. Moi personnellement, je préférais Marisson, mais j'ai quand même pris Grenousse pour les jeux en ligne. Oh, les fanboys, je vous jure. Pour ce qui est de la Team Flair, anecdotique au possible. Claquette. Le maître d'arène, je crois, c'est. Diane. Je crois qu'elle s'appelle Diane. Le maître de la ligne. Oui. Diana, voilà. Oubliable possible aussi, vraiment. Bah, tu vois, là, moi, ça me disait rien du tout non plus. Et pourtant, je l'ai battu. C'est clair que. C'est le maître de ligue que j'aime le moins. C'est le maître de la ligue le plus faible de tous les jeux Pokémon sortis. Je pense qu'on a fait le tour parce que si on continue, oui, c'est pareil, ça va encore durer 3 ans. Oui. Ouais, bon, je vous avoue, les fans, restons maintenant. On va dormir maintenant. Ouais, bon, j'ai très faim, on va aller au resto, on va conclure vite. Merci de nous avoir écoutés. Pour ce qui est de la pause, on reviendra très vite, très frais, et on reviendra, quoi. Avec on sera de retour, oui. Dubes, oui, oui. Avec plein de nouvelles aventures. Oui, promis. Exactement. Allez visiter le nouveau site que Tails nous a fait exprès spécialement pour nous. Oui. Pour remplacer le compte TikTok qui va sauter. Bah non, il sera toujours là, mais ce sera plus le site principal, quoi. Rappelle-nous le lien, Sonic. Oui. C'est quoi déjà, .com? C'est sonic.maxlefou.com. Sonic.maxlefou.com. On mettra en description. Voilà. Oui. Vector, faut que t'allumes l'ordinateur avant de taper. Ah, ok. c'est juste, c'est les nouveaux sorciers. Moi, je suis un vieil ordi, tu sais. Bon, pas grave. Bon, on termine tout ça. Oui. On va faire vite. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour le prochain podcast qui sera du coup en mai, je pense. Il sera en avril aussi. Ah, en avril. Ça va alors. En avril. Et je n'ai plus qu'à vous dire, bibidi bobidi, bye bye la tribu. Et Sonic vous embrasse. Voilà. Bye. Likez, abonnez-vous, etc. Bye bye. Qu'est-ce que tu fais, Cubot? Ben, tu vois bien, je marche! Mais on n'a pas de pied! Allez, dépêche-toi! Ah oui, pardon! Arrête avec cette soundboard! Désolé, mais je stresse! Bon, allez! Allô? Allô? Est-ce que vous me recevez? Allô? Mais pourquoi ça marche pas? Il faut que tu montes le volume, Cubot! Ah oui, pardon! Enfin, tas de ferraille! Ça fait un moment que j'essaye de vous appeler! Désolé, je n'avais pas monté le volume! Bande d'incompétents! Déposer le colis devant la porte comme demandé. Oui, pas trop, ça a été fait. Un gros succès. Les autres n'y ont vu que du feu. Le plan va se passer comme prévu. Excellent. Mais n'oubliez pas, si vous faites repérer ou qu'ils sachent qui les a piégés, je vous fais passer à la moulinette. Oui, pas trop, promis, mais prenez pas cette voie-là avec nous. Oh, pardon. Je travaille juste ma voix de grand méchant pour la fois où je vais enfin anéantir Sonic. Moi. Enfin bref, continuez le plan et dispersez les émeraudes du chaos sur Mobius. Moi, je continue les préparatifs. A plus. A plus. Tu es sûr que c'est une bonne idée de faire ça? On ne fait que le travail. Après tout, nous sommes que des robots. La création du mal par excellence. Ouais. J'ai faim, on va manger? Allez. Ouais.